Dans le premier épisode de la cinquième saison, quand je ne dis pas de quoi c'est la saison, c'est la nouvelle série, Matt Smith s'adresse à Karen Gillan en disant très exactement « I'm definitely a madman with a box ». Un? Pourquoi seulement un? Nous allons voir. Ça commence ainsi. On est dans le brouillard anglais, dans les années 60. Il y a un policier qui chemine, une sorte d'entrepôt, de dépotoir de ferrailleurs, et à l'intérieur, derrière la porte de bois qui porte l'inscription I am foreman, I am déjà, il y a un jeu de mots, scrap merchant, ce qui veut dire à peu près ferrailleur en anglais, dans un indescriptible amoncellement de choses diverses, il y a une cabine en bois qui se révélera au fil du temps de plusieurs nuances de bleu, pas de gris. Lorsque la télévision passera du noir au blanc à la couleur, car au début, cette série est diffusée en noir et blanc. Ce n'est pas une cabine téléphonique, d'ailleurs, à Londres, elles sont rouges. Il s'agit de ce qu'on nommait alors au Royaume-Uni une police box, ou plus précisément une Metropolitan Police Box. Dans la porte, elle a un téléphone qui permet de passer des appels d'urgence. On peut aussi s'y réfugier en cas de danger, et elle servait bien entendu également aux policiers eux-mêmes. Ça, c'est une vraie. Alors, c'est allé un peu vite. De nos jours, il n'existe quasiment plus de police box, ni à Londres ni ailleurs. En 1953, il y en avait 685 dans les rues de Londres. Et la nature de cet objet, mais aussi sa symbolique, sont posées au début du récit. Ça sert à quoi? À communiquer et à trouver un refuge. Ce sera le lieu privilégié de la série télévisée Doctor Who, dont nous allons parler. C'est pas un hasard si les scénaristes ont choisi de camoufler ce qui est un vrai gros vaisseau spatio-temporel en cabine de police à peu près minuscule, et donc, tout le monde le sait, plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pourquoi? Elle peut en plus se déplacer n'importe où, mais aussi n'importe quand. Le propriétaire en question pourrait sans doute réparer le camouflage, parce que c'est un camouflage, bien entendu. Il le fera à une seule occasion. Mais le propriétaire, il est un peu tête en l'air. Il néglige d'ailleurs aussi les mises à jour de son outil principal, qu'on verra plus tard, le tournevis sonique. De nos jours, dans le monde réel des trottoirs britanniques, l'unique cabine de police qui existe, c'est une réplique qui est située devant la station de métro d'Earl's Court et qui commence à être bien connue, c'est du côté de Kensington pour ceux qui connaissent un peu Londres, car elle est popularisée grâce à Google Maps. Si vous tapez n'importe quoi à peu près, cabine de police, police box, TARDIS, puisque c'est son petit nom, dans Google Maps, vous allez arriver là. Et si vous passez en mode Street View, il y aura une petite croix sur laquelle vous cliquez. Si vous cliquez, vous entrez. Ah. Évidemment, vous n'entrez pas dans une bête cabine de police. Si on a le temps après, je vous montrerai comment ça marche, parce qu'ici, je n'ai pas réussi à mettre le lien Internet dans ma présentation. En fait, on entre dans le TARDIS, bien entendu. Le docteur, qui est ce docteur? Dissipons un malentendu. Il y a bien une série télé produite par la BBC qui s'appelle Doctor Who et dont vous voyez les différents logos au fil du temps. Mais ce titre n'évoque pas le nom du personnage principal dont on va ici aborder l'existence. Le docteur se nomme le docteur, pas le docteur qui. Au début, le docteur voyage avec sa petite fille, Susan Foreman, mais il y a longtemps. Enfin, longtemps, puisqu'il voyage dans le temps. Dès le deuxième épisode de Kevoskels, Ian Chesterton, le professeur de Suzanne, s'adresse à lui sous le nom de Dr. Foreman, puisque c'est le grand-père, soi-disant, de Suzanne. Et il lui réplique qu'il ne se nomme pas Foreman, mais seulement le docteur. De la même manière, lors du premier épisode de la nouvelle série, le docteur incarné par Christopher Ecclestone dira à Rose qu'il est juste le docteur. Les auteurs de la série n'ont pas toujours eu la main heureuse, ils ont entretenu la confusion. Il y a des épisodes qui semblent, dans certains titres, le désigner comme le Doctor Who, certains dialogues aussi, mais enfin pas trop, heureusement. Toujours est-il que le vrai nom du docteur, que personne ne connaît, presque personne, deviendra bientôt un des enjeux du récit, particulièrement dans les dernières saisons de la nouvelle série. Qui est-il ? C'est un seigneur du temps. C'est donc un extraterrestre. Il est originaire de la planète Gallifrey, ça non plus on ne le saura pas tout de suite. Cette identité s'est progressivement précisée et est devenue de plus en plus complexe au fil des épisodes. Comme lui, la plupart des seigneurs du temps sont donc identifiés par un titre qui est souvent une fonction sociale, comme docteur. Il y a le maître, le président, le cardinal, le corsaire, etc. etc. On connaît donc rarement leur nom, le docteur. On l'a compris, série télé. C'est un cycle de récits de science-fiction créé par la BBC en novembre 63, le 23 très exactement. Ils ont donc eu un problème parce qu'il tombait le lendemain d'un jour qui est devenu hélas assez historique. Le 22 novembre 63, le président Kennedy se faisait assassiner et Doctor Who n'a pas eu beaucoup de succès. Quelques semaines après, ils ont d'ailleurs tout rediffusé. Cela dit, c'est en quelque sorte le premier lien entre la série et les grands événements de l'histoire humaine. On y reviendra. Elle a été diffusée telle quelle jusqu'en décembre 89, c'est la série dite classique. Puis ressuscitée en mars 2005, nouvelle série, après un intermède constitué d'un téléfilm en 1996, mais qui n'a pas eu assez de succès pour qu'on redémarre à ce moment-là. Voilà, ça j'aurais dû vous le faire plus rapidement. Hein. À partir de cette incarnation télé, le docteur a investi d'autres médias, deux films, en 65 et 66, avec Peter Cushing, grand acteur de la Hammer et du cinéma d'horreur et fantastique en général, mais dont les scénarios prennent de grandes libertés avec la Bible de la série. Il y aura aussi des romans, d'abord des novelisations d'épisodes, et puis plus récemment, la BBC a demandé à de grands auteurs britanniques comme Alastair Reynolds ou Stephen Baxter d'écrire des romans originaux. Il y a des adaptations audio, théâtrales, il y a même une comédie musicale, je n'ai pas vu. Il y a des bandes dessinées, des jeux de rôle, des jeux vidéo, il existe même un flipper Doctor Who. Les produits dérivés sont très très nombreux, du magazine consacré à la série, aux figurines et aux objets les plus divers. La série a évidemment reçu un certain nombre de distinctions, tant dans le domaine de la science-fiction que dans le domaine des séries télé en général. Il faut dire qu'après 50 ans, ce serait dommage. Par ailleurs, peut-être est-ce la reconnaissance suprême d'une série populaire, c'est quand on commence à être cité par d'autres, donc... Il y a des tas d'allusions et de références au docteur, que ce soit dans l'univers rock, dans l'univers d'autres séries télé, de Mr. Bean à The Big Bang Theory, en passant par les Simpsons, qui ont évidemment invité tout le monde. En 1993, petite anecdote, durant l'interrègne entre séries classiques et nouvelles séries, Doctor Who a connu un crossover avec EastEnders. EastEnders, c'est un soap-opéra diffusé depuis 1985 et qui existe toujours à la BBC, une fois par semaine. Et qui raconte quoi ? L'existence de quelques habitants dans un quartier fictif de l'Est londonien, centré sur une petite place qui s'appelle Albert Square, où on trouve un pub, un restaurant, un marché, un commissariat, plus loin il y a un lycée, il y a un hôpital... Et il y a plusieurs familles dont les membres entretiennent des relations les uns avec les autres et qui font agir la communauté locale. Si vous trouvez une ressemblance avec un feuilleton fétiche de France 3, ce n'est pas du tout un hasard. Dans Dimension and Time, ce crossover, un autre seigneur du temps piège les incarnations du docteur et ses compagnons dans ce quartier de Londres. Alors, voilà un petit peu de tout ce dont on vient de parler. Un des films avec Peter Cushing, Doctor Who and the Daleks. Un des romans qui paraissent d'ailleurs maintenant en français chez Milady. Oui, si certains d'entre vous sont pointus en anglais, pas faire très attention à ce que je dis. Enfin, si, il faut faire très attention à ce que je dis, mais pas comme je le prononce. Donc ça, c'est la collection de poches de Brajlon Milady, hein. bande dessinée, figurines, jeux vidéo. Il y a même un Monopoly et un mugger. Je ne l'ai pas amené, mais je l'ai. Je n'ai jamais réussi à boire dedans parce qu'un récipient qui est de forme carrée, c'est quand même un petit peu difficile. La série a bourgeonné aussi, a donné naissance à plusieurs spin-offs comme Torchwood ou The Sarah Jane Adventures ou Canine. Alors, Canine, c'est amusant, ça raconte, enfin, c'est centré sur un personnage qui est un chien robotique. Il s'appelle K9. Canine. Il y a aussi eu des documentaires sur ses propres séries, produits par la BBC, Doctor Who Confidential pour le Docteur et Torchwood Declassified pour Torchwood. Je ne m'étendrai pas dessus, on n'a pas le temps d'ailleurs, si j'arrive au bout de mes feuilles, ce sera déjà une sorte de miracle ou alors de voyage dans le temps. Hein. La série Doctor Who est devenue au fil des ans une des séries télévisées les plus diffusées dans le monde. C'est la doyenne des séries de télévision, de science-fiction, pardon, télévisée de science-fiction, ayant de la sorte dribblé l'American Star Trek. En 2013, l'épisode spécial fêtant les 50 ans de son existence, The Day of the Doctor, a été vu simultanément dans 94 pays, selon la BBC, bien sûr. Et l'épisode de Noël qui suivit, The Time of the Doctor, constituait, quant à lui, le 800e épisode. Star Trek, pour reprendre l'exemple, compte 703 épisodes si on prend les 5 séries. Pour le Doctor Who, si on ajoute les spin-offs dont on vient de parler, on aboutirait à l'heure actuelle à 918 épisodes, sans compter des épisodes faits pour le web et sans compter des dessins animés. Bon, je n'arrive pas à me synchroniser avec ma présentation, mais ce n'est pas très grave. La série est développée par la BBC dès mars 1963. Le responsable des programmes à ce moment-là se dit, tiens, il y a un trou dans la programmation du samedi entre les sports pour les adultes et une émission pour les ados après. On va y mettre quelque chose. On aura comme principaux créateurs du Docteur Sidney Newman et Donald Wilson pour la série classique, puis Russell T. Davies et Stephen Moffat pour la nouvelle série. L'effort collectif des producteurs et scénaristes a incorporé les éléments qui deviendraient majeurs, pratiquement tout de suite, du voyage dans le temps, la présence d'un scientifique ou du moins d'un personnage qui possède de grandes connaissances, des compagnons de voyage, il faut bien qu'il parle avec quelqu'un, la mise en place d'adversaires en fait de plus en plus divers et compliqués, voire machiavéliques au fil des récits. Le programme est destiné tout d'abord aux enfants, aux adolescents, ce qui influe directement sur son contenu. Voyager dans le temps, c'est très intéressant parce que ça permet d'aller revisiter de grands épisodes de l'histoire humaine. Et on trouvera Marco Polo, la Révolution française, l'Empire aztèque, Rome, les croisades, la guerre de Troie, etc., etc. Mais paradoxalement, ce docteur pédagogique s'avère également le protagoniste d'une série jugée alors la plus horrifiante de la BBC. Il y a des monstres extraterrestres. Une série américaine comme, je ne connais plus son titre français, Time Tunnel, qui raconte l'histoire de scientifiques envoyés également dans le temps, fonctionnait au départ sur le même principe. À chaque fois, on va voir un épisode différent de la chronologie de l'histoire humaine, mais pas d'extraterrestres, pas de monstres. Parfois des combats, des difficultés, mais pas de monstres. Ici, oui. Alors, cette série, comme on le prétend d'ailleurs, est devenue populaire par une expression d'abord, avant même que ce soit le docteur lui-même qui soit populaire, c'est Behind the Sofa. On regarde la série cachée derrière le canapé. Parallèlement, un univers propre se met en place, les lieux, les époques, les civilisations, des espèces extraterrestres, amis, ennemis, récurrents par récurrents, dépeignent une fresque qui dépasse de loin l'histoire de notre planète et englobe in fine celle de l'univers, même si le docteur revient très souvent sur Terre. Pourtant, en 1989, on trouve qu'il n'y a plus assez d'audience, on s'arrête, on met un terme à l'aventure. Un téléfilm tentera, je l'ai dit, un redémarrage, mais il faut attendre 2005 pour un véritable succès avec cette série dont France 4 assure actuellement la diffusion en langue française. 2015 verra normalement la diffusion de la 8e saison avec le comédien Peter Capaldi, c'est lui, le dernier docteur en date. Dernier, on va voir pourquoi dernier. Le Royaume-Uni, lui, a vu cette saison-là entre le mois d'août et le mois de septembre 2014, et une 9e saison est déjà programmée à l'automne 2015. Donc, un nouveau docteur, parce que le docteur change. Je ne peux pas vous parler du docteur. Pourquoi ? Pas de la manière dont je pourrais vous raconter les aventures de Diego de la Vega, de la créature de Frankenstein, de Walter White, ou même de Voldemort, des gens qui sont passés par ici. Car dans l'univers complexe des épisodes de cette série, il existe bien un personnage qui porte ce titre, pas ce nom, on l'a dit. Mais cet univers, cet individu particulier n'est pas un, il est plusieurs. Pour autant, il n'est pas Légion, ainsi que se qualifie le démon dans la Bible chrétienne. Mais on nous raconte bien les aventures de quelqu'un, on dira donc une personnalité, pas au sens people, mais au sens de l'ensemble des caractéristiques qui forment un individu, que l'on présente sous le nom de docteur. Il est important de le considérer sous cet angle, une personnalité, on pourrait dire une conscience, car sous l'angle physique, ça se complique tout de suite. Il n'existe pas au fil des trames tissées sur ce récit pendant 50 ans un seul et unique docteur. Il y en a 13. Pourquoi 13? Et pourtant, il s'agit toujours du même docteur, il s'agit toujours de la même personnalité, avec certaines différences d'une incarnation à l'autre, et qu'on désigne par son numéro. Patrick McGowan et le prisonnier doivent se retourner dans leur tombe, mais c'est comme ça, on le désigne par son numéro. La tentative la plus rationnelle visant à définir le personnage se heurte donc à sa nature même. Une personnalité, plusieurs incarnations. Pas toujours le même caractère, pas toujours le même tempérament. Lorsque le docteur change, on verra comment et pourquoi, il garde ses souvenirs, mais son apparence se modifie, et cette fameuse personnalité subit des écarts caractériels parfois assez conséquents. En voilà quelques-uns. Pour n'aborder que la nouvelle série, il n'y a pas grand-chose en commun entre Christopher Ecclestone, le 9e docteur, à droite, qu'on pourrait définir, je fais un petit coucou à Ed O'Sheen, comme un aventurier contre tout chacal, intérieurement torturé, mais un peu plaisantin quand même. Et alors Matt Smith, le 2e, qui porte un joli nœud papillon et qui aime bien les couvre-chefs extravagants, comme le Fez, là, mais aussi le Stetson dans quelques épisodes. Mais qui est capable, on ne le dirait pas à le voir, mais de se sacrifier, souvent pour sauver l'univers. Parce que bon, nous sommes quand même dans une série de science-fiction, on ne va pas mégoter sur ce qu'on sauve. On ne va pas parler du premier, incarné par William Hartnell, c'est celui qui est en noir et blanc, qui a fondé la saga, qui est à ce jour, hormis John Hurt, que vous trouvez juste au-dessus, mais qui est un cas à part, qui est à ce jour le docteur doté de l'apparence physique la plus âgée, mais dont l'image sociale révèle quelqu'un qui était irascible, hautain, méfiant. Enfin, méfiant, un peu paranoïaque, il avait de quoi, il venait de voler le TARDIS dans le premier épisode. Hein. Le dernier docteur à ce jour, celui de Peter Capaldi, n'est d'ailleurs pas très éloigné de Hartnell si on s'en tient à son apparent détachement, ainsi qu'à un certain cynisme, même s'il semble que ça pourrait n'être qu'une carapace. Astuce scénaristique, inventée pour justifier le départ de William Hartnell, qui, malade, quitte la série en 1966, l'existence de docteurs successifs, différents, mais incarnant une seule et unique conscience, devient aussitôt un des ressorts essentiels de Doctor Who. Le graphiste responsable de l'affiche qui vous a peut-être amené ici a contourné la difficulté consistant à représenter le docteur, puisqu'il a représenté son véhicule, le TARDIS. Comme je suis, je pense, je l'espère, un peu moins tordu que les scénaristes qui ont écrit les histoires un petit peu malades à la BBC, je me demande à tenter une mise à plat. On va donc parler du Doctor Who, mais on l'a vu, c'est pas son nom. C'est un seul et même personnage qui traverse 50 années d'une série télé, mais ils sont 13, tout en étant unique. Le personnage n'est pas un des nôtres, il n'est pas humain, il provient d'ailleurs, même s'il semble pris d'affection pour notre planète et singulièrement pour le Royaume-Uni. Il apparaît à des époques différentes, enfin c'est une sorte de survivant. Il a traversé des époques étranges et dangereuses ailleurs que chez nous. Rien moins qu'une guerre du temps. De quand vient-il? D'où vient-il? Par quels moyens? Qui est-il réellement? Pourquoi rend-il si souvent visite à la planète Terre? Les amateurs de science-fiction, s'il en est parmi vous, comprendront, enfin s'il y a des fans de Doctor Who, il y a forcément des amateurs de science-fiction, à la mention d'une guerre du temps que l'on aborde un domaine particulièrement tortueux dans le genre. Selon les canons de quelques grands classiques de la science-fiction littéraire, lorsqu'on se livre à un conflit temporel, on va se battre partout, à tout moment, et en même temps, à peu près. Avouons que cela ne facilite guère l'établissement clair des causalités, pour ne pas parler d'une chronologie précise des événements, et pourtant, il en est des amateurs sur le web qui ont essayé de créer une chronologie précise des du docteur, je vous donnerai le lien internet tout à l'heure. Quant à la littérature, parmi les plus célèbres œuvres de SF, on citera le cycle de Fritz Leiber, auteur américain de La guerre modificatrice, qui voit deux espèces extraterrestres, les araignées et les serpents, se livrer à un conflit qui modifie l'histoire de l'humanité. Et chaque fois que l'une des espèces modifie quelque chose, l'autre vient modifier la modification pour évidemment que ce soit à nouveau modifié par après. Les deux recueils qui existent en français s'intitulent Le grand jeu du temps et Les racines du passé. Ils sont assez difficilement disponibles à l'heure actuelle. Dans Le temps incertain, 1973, Michel Jury, français, relate la lutte féroce des multinationales qui, dans son futur, font éclater la trame temporelle et multiplient des boucles rétroactives qui sont chaque fois subtilement différentes et revécues par les personnages principaux. Il existe également, paraît-il, parce que je suis là d'avoir vu tout Star Trek, une guerre froide temporelle dans l'univers de Star Trek, et on ne peut pas ne pas citer un autre Américain, Paul Anderson, dont La patrouille du temps, cycle de nouvelles désormais à peu près entièrement disponible en français, ce qui n'était pas le cas naguère, qui relate les tentatives d'une sorte de police temporelle pour conserver un semblant de cohérence à la chronologie de l'humanité en évitant les divergences qui peuvent surgir suite à tel ou tel pirate temporel qui provoque un changement flagrant. Il existe donc, dans l'univers du Docteur, un conflit galactique que les personnages désignent sous le nom de guerre du temps et qui oppose les seigneurs du temps, l'espèce dont est originaire le docteur, qui habite Gallifrey, le monde d'origine du docteur, aux abominables Daleks, dont le cri de ralliement n'est autre que... Bravo. C'est évidemment une guerre pour la puissance, pour le contrôle des mondes. C'est également un conflit opposant une forme d'humanité, les habitants de Gallifrey. Gallifrey, venez un peu vous montrer, voilà. Qui sont proches de nous. Nous, terriens de la périphérie galactique, si ce n'est que leur physiologie, on verra ça si on a le temps, diffère sensiblement de la nôtre. Et une forme d'inhumanité. Les Daleks sont une espèce d'extraterrestre mutant. Donc il reste une part biologique en eux, mais ils se sont depuis longtemps abrités dans des carapaces qui leur sont fort utiles, car sans elles, ils ne sont rien ou à peu près. Quant aux émotions, ils en ont gardé une seule, la haine. Ils visent à la domination universelle et ils croisent à de nombreuses reprises la route du docteur, avant, pendant et après la guerre du temps. Le conflit ne se résoudra ou ne s'est résolu, ou ne se résout, dans une guerre temporelle, que par la mise en quarantaine de Gallifrey, la planète natale du docteur et des seigneurs du temps, sous son incarnation de War Doctor, joué par John Hurt, dont nous parlions tout à l'heure en 2013, pour deux inoubliables épisodes. Une mise en quarantaine tellement radicale qu'il pensera longtemps, le docteur et d'autres avec lui, qu'elle est la planète définitivement détruite. Par ailleurs, Le docteur va et vient dans l'espace et le temps grâce au TARDIS. Jouer avec le temps implique que le temps puisse se jouer de vous. Ça se nomme un paradoxe. L'un des plus beaux a été formulé par le français René Barjavel en 1943 dans Le Voyageur imprudent. Même si on n'est pas fan de science-fiction, tout le monde en a un jour ou l'autre entendu parler, tellement il est devenu universel par sa formulation en, on pourrait dire, un anneau de Möbius dont on ne peut plus sortir une fois qu'on y est entré. Pourquoi? Je vous le résume. Samenou, le personnage, a l'occasion de retourner dans le passé, au siège de Toulon. Son but? Tuer Napoléon Bonaparte. Manque de bol. Il rate l'empereur, enfin le futur empereur à ce moment-là, et qui tue-t-il? Son ancêtre, à lui, Samenou. S'il a tué son ancêtre, soyons logiques, il ne peut pas exister. S'il ne peut pas exister, il ne peut pas retourner dans le temps pour tuer son ancêtre. Donc, il peut exister. Ad infinitum, on n'en sort pas. C'est évidemment une sorte de syllogisme dont une des prémices doit être un petit peu boiteuse. En philosophie, on analyserait ça assez facilement. Mais cela montre à quel problème les protagonistes de voyages temporels peuvent se voir confrontés. Deux exemples dans les aventures récentes du docteur. Un. Il croise à plusieurs reprises le personnage de River Song, interprété par Alexis Kingston, la fille avec beaucoup de cheveux, que vous avez peut-être vu dans Urgence, naguère, jouant le docteur Corday, un autre docteur, qu'il finira par épouser. Excepté qu'au moment de leur première rencontre, du point de vue du docteur, on va dire que la série suit plus ou moins la chronologie du docteur lui-même. Sinon, ça devient vraiment trop compliqué. Dans Silence in the Library, à ce moment-là, de son point de vue à elle, il est déjà marié avec elle. Et pour elle, ce moment est même proche de sa fin, car elle va disparaître tout en étant sauvegardée dans un système informatique. Chaque fois que les lignes temporelles du docteur et de River se croisent, elles avancent selon des directions opposées ou à tout le moins désordonnées. Vous avez en dessous un schéma qu'un autre fou du web a essayé de réaliser, en nous indiquant que les croisements entre la ligne temporelle du docteur, en bleu, et les lignes temporelles des différentes incarnations de River Song, en gris, beige ou brun. Où suis-je? C'est un jeu de boucle un peu compliqué, et sûrement plus compliqué que mon résumé, car l'enjeu de ces allées et venues nécessite aussi de questionner les origines réelles de River. Vous le savez tous, je suppose, mais bref. Et aussi d'identifier un complot qui vise le docteur lui-même. Second exemple. Très ramassé cette fois-ci, ouverture de la cinquième saison dans The Eleventh Hour, devenu Le Prisonnier Zéro en version française. Je me demande parfois comment on fait les traductions. Lorsque le docteur rencontre Amélia, la petite fille, au-dessus. Après avoir observé dans sa chambre la chambre de la petite fille, une fissure de l'espace-temps. Le docteur doit la quitter pour s'en aller stabiliser le TARDIS qui menace de repartir tout seul, ou presque. Il lui promet de revenir dans 5 minutes. Le docteur fait souvent des promesses un peu inconsidérées. Alors Amélia monte dans sa chambre, elle fait sa valise, elle redescend dans le jardin, elle l'attend. Le docteur finit par revenir 12 ans plus tard, aux yeux de l'enfant, bien entendu, alors que seuls quelques moments se sont passés à ses yeux, à lui. Amélia est devenue Amy Pond. Elle a un petit ami qu'on ne voit pas là, Rory. Une bonne partie des saisons durant lesquelles le docteur est interprété par Matt Smith, celui qui n'a pas son fez là, est peuplée de sauts dans le temps et de boucles rétroactives jusqu'à l'épisode final qui voit la régénération du 12e vers le 12e docteur dans The Time of the Doctor. Régénération. Encore un peu de patience. Les boucles et les paradoxes n'existent évidemment qu'en raison des déplacements propres du docteur à l'intérieur du flux temporel. Celui qui voudrait tenter de démêler tous ces fils grâce à une chronologie précise ira voir le site dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour en conclure avec cet aspect temporel, si on sait qu'il est originaire de Gallifrey, de quelle époque provient-il? Ramené à notre chronologie terrienne, celle-ci est tout aussi lointaine que son monde, mais également imprécise. Dans la première version de l'épisode pilote, Suzanne parle du 49e siècle. La version diffusée parle d'autres temps. Pourtant, un document de production de la BBC atteste que le docteur a fui Gallifrey grâce à un vieux TARDIS en l'an 5733. Ce qui n'a pas beaucoup de sens parce que ça semble parler de notre chronologie à nous et pas de sa chronologie à lui. Le même document donne à ce moment, au tout début, donc en 1963, l'âge de 650 ans au docteur. Vous commencez à trouver que c'est un peu compliqué. Vous n'avez encore rien vu. Oui, voilà l'URL, si vous voulez la noter, du site où quelqu'un s'est essayé à une chronologie du docteur. Gallifrey. Les seigneurs du temps auxquels appartient le docteur constituent une espèce extraterrestre originaire de la planète Gallifrey, qu'on nous situe dans une constellation, Castorborus, à quelques 250 millions d'années-lumière. On retrouve ça dans la plupart des sites web qui parlent du docteur. Pourtant, 250 millions d'années-lumière, c'est très très très loin. Notre galaxie, d'après les astronomes, a un diamètre évalué à peu près 100 000 années-lumière. D'autres estimations données dans la série, elles parlent de 25 000, 30 000 années-lumière, ce qui est déjà un peu plus normal. Il s'agit d'une espèce ancienne, les seigneurs du temps, très très ancienne même, de forme humanoïde, comme nous. Enfin, comme nous. Vu leur antériorité, c'est plutôt nous qui sommes comme eux. Ils maîtrisent l'espace et le temps, comme leur nom le suggère. La physiologie des habitants de Gallifrey est singulière, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais en plus ils jouent avec l'immortalité. Comment ? Ils ont la possibilité, très jeunes, d'être confrontés à un flux temporel qu'on appelle le vortex, hein, et qui leur permet d'accéder à une forme d'immortalité, bien qu'ils vieillissent et ils meurent. Mais quand ils meurent, ils se régénèrent. Il ne s'agit donc pas de changer d'acteur pour le plaisir, mais ça fait partie, c'est pas comme James Bond avec tous ses acteurs successifs, ça fait partie du sens même de la série. Les modifications physiques s'accompagnent, comme je l'ai dit, de modifications d'humeur et de caractère. Là, ce sont toutes les régénérations, y compris des régénérations parallèles et parodiques, du personnage du docteur. Les principales étant vraies, évidemment, celles qui sont numérotées. La septième saison de la nouvelle série a joué sur le fait que le docteur parvenait à l'issue de ses régénérations, qui serait de 12, et donc 13 incarnations, parce qu'on peut supposer que le premier est né, quand même, quoique ce ne soit pas sûr. Hein. Dans un spin-off de Sarah Jane Adventures, il prétend pouvoir se régénérer 507 fois, mais on le sait, le docteur, en plus de ses traits de caractère fluctuants, est un grand menteur. Il s'agit d'une caractéristique qui le suit d'ailleurs de régénération en régénération. La régénération se fait de manière assez brutale, assez difficile au plan physique comme au plan psychique. Nous avons ici la dernière en date, la régénération du docteur de Matt Smith, le 11e. En celui de Peter Capaldi, le 12e. Également, la double régénération du docteur joué par David Tennant, oui, on y arrive, je sais bien que c'est le préféré de tout le monde, qui en fait se régénère deux fois. Comme lors de sa première régénération, il n'a pas du tout envie de changer d'apparence pour une fois, et donc il utilise un truc, en fait il s'agit d'une de ses mains. C'est compliqué. Qui a été conservé par le TARDIS et il bloque la régénération. Il passe donc à la régénération suivante, mais il conserve la même apparence. Donc, il devrait y avoir, quand on arrive à Matt Smith, 11 docteurs, sauf qu'il y a déjà 12 corps. Et pour certains fans de la série qui s'empoignent sur les forums internet à ce niveau-là, les 12 possibilités sont donc déjà entamées à ce niveau-là et les scénaristes n'ont pas bien réfléchi à tout ce qu'ils ont fait. Dans une série pareille, on ne peut pas trop leur en vouloir. Alors, puisque c'est le chéri, le voici. Ah, David Tennant. Je ne sais plus où j'en suis. Le docteur, le temps, etc. de nombreux théoriciens, mais ça on va passer sur les types littéraires parce qu'on n'aura jamais le temps de développer. Bref, on aime bien en théorie littéraire ou télévisée et cinématographique parce que l'une se décalque sur les autres, classer les personnages suivant des types. Je préfère type à stéréotype qui me semble un peu trop connoté négativement. On connaît les fonctions chez Vladimir Propp, etc., les schémas actantiels chez Grémas, mais enfin, on ne va pas repartir là-dedans. Une chose m'intéresse, la théoricienne américaine Carol Pearson a établi en 1998, par de référence, un ensemble d'archétypes qui sont intéressants. On trouve l'orphelin, le vagabond, le guerrier, et l'un d'entre eux me paraît cerner parfaitement le docteur, il s'agit du magicien. Aha! Certes, Doctor Who est une série qui s'affirme de science-fiction et qui convoque bon nombre de figures du genre, les conflits spatiaux, les dangers de la robotique, les vaisseaux, les paradoxes temporels. En revanche, la manière dont le personnage est mis en scène évite soigneusement les explications rationnelles du moindre de ses actes. La console du TARDIS participe autant d'un laboratoire alchimique que d'un poste de pilotage de navette spatiale. L'instrument de prédilection du docteur, son fameux tournevis sonique, c'est le machin qui brille au bout de son bras, s'avère tellement plurifonctionnel. Il ouvre, il ferme, tout. Excepté les portes en bois parce qu'il n'a pas été mis à jour. Il scanne, il analyse, il détecte des signaux, il sert de micro, de lampe de poche, d'arme, parfois quand même. Il finit donc par s'apparenter davantage qu'à un appareil strictement technologique, mais à la baguette d'Harry Potter. Comme l'affirmait il y a bien longtemps l'auteur britannique Arthur Clarke, l'auteur de 2001, entre autres, « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. » Comme le magicien, le docteur a souvent un truc caché sur lui. Sa gestuelle, surtout chez Matt Smith, détourne l'attention. Il transforme les choses et les aspects scientifiques des techniques ne sont pas très éloignés de la maxime de Clarke. De temps à autre, même, le tour loupe. Et les gens de ma génération songent alors à un célèbre magicien de télévision. Vous devez tous, non, la plupart, pardon, être trop jeune. Un magicien qui terminait ses tours par « zut, ça marche pas ». Enfin, que penser de la position théorique qui veut que le personnage populaire soit nécessairement peu évolutif en raison de son caractère, justement, stéréotypé? Jack Bauer n'est pas doté d'une psychologie profonde, sa position dans le récit ne lui permet pas une évolution très sensible, mais le docteur. La réponse figure principalement dans la caractéristique introduite par les créateurs, ses régénérations. S'il change, il conserve ses souvenirs et donc la mémoire de celui qu'il a été. Ce n'est pas uniquement une question d'oreille, comme dans le passage de John Hurt à Christopher Ecclestone. Il sait comment il a été. Son tempérament vient brutalement de se modifier, parfois, mais la mémoire est là, et par contre, il ne cesse de muter. De plus en plus, il n'est pas conciliable avec un personnage populaire trop typé, même s'il en emprunte des caractéristiques. On va dire qu'il existe un type primaire chez le docteur, l'aventurier des étoiles et du temps, celui qui se prend d'affection pour les terriens et se consacre à les aider. Le seigneur du temps, qui doit vivre avec le souvenir de ses actes et des désastres qu'il a traversés, voire provoqués. Les changements affectent plutôt les types secondaires, comme des traits de caractère, qui n'influent pas à la fonction principale. Mais ils s'accumulent sans s'annuler. Et si le docteur de Capaldi peut ne pas tenir compte de celui de, mettons, Tom Baker, il n'en demeure pas moins qu'aux yeux du téléspectateur fin connaisseur de la série, ils sont tous présents dans l'incarnation la plus récente. On regarde la typologie de Pearson, mais il est tout à la fois l'orphelin, seul de son espèce, le vagabond, il a perdu sa planète, il erre dans l'espace et dans le temps, le guerrier, même s'il s'affirme non-violent, on peut désormais lui rappeler son incarnation de War Doctor, et de toute manière, il combat de temps à autre pour sauver ses amis au moins. Et le magicien, comme on vient de le voir. S'intéresser à un personnage de création cinématographique ou télévisée signifie également, évidemment, qu'on s'intéresse aux interprètes. On ne va plus avoir beaucoup de temps. On va donc au moins vous montrer les incarnations différentes du docteur. Quand bien même l'essence d'un système de fiction, c'est de faire oublier qu'il y a une fiction, faute de quoi l'identification du spectateur risque de ne jamais être présente, le comédien, lui, est bel et bien présent. Il s'agit même d'une différence essentielle entre le roman, où on présente souvent le personnage comme une coque un peu vide, et la télévision ou le cinéma, en général les arts de l'interprétation, le théâtre y compris. Outre cette interprétation qui crée le personnage, sinon plus que la définition qu'en donne le scénariste, le comédien apporte aussi son sac à dos de rôle antérieur. Ainsi, le comédien contribue-t-il à faire naître des liens, ce qu'en théorie littéraire on nommera de l'intertextualité. Et évidemment, dans les spots publicitaires pour Nespresso, on voit le pédiatre d'urgence. Ces liens ne font pas toujours sens, mais tissent un ensemble grand, souvent plus grand que les parties, comme le TARDIS est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le téléspectateur qui aura regardé Broadchurch pour voir David Tennant, tout en connaissant Doctor Who, il n'aura pas découvert le comédien. Et surtout, il ne l'aura pas perçu de la même manière que celui qui n'avait jamais vu le dixième docteur. Peut-être même aura-t-il attendu en vain les tics du docteur, ou espéré de manière irrationnelle d'Alec Hardy qu'il exhibe un tournevis sonique. Dans le cas du docteur, le glissement est inévitable vu les modifications. Et comme je vous l'ai promis, je vous les montre. Ça va me permettre de boire un coup. Ouais, je sais, hélas. On peut faire une deuxième partie un jour. Ah oui, celui-ci, je m'arrête. Vous l'avez vu récemment. Parce que cette incarnation-là est un peu modifiée par le costume et le maquillage. Il jouait Radagast dans la trilogie du Hobbit. C'est quoi? Je ne suis pas responsable du son là, hein. Je suis désolé, c'est quelque chose qui m'a échappé. Bien, voilà où on en est, et voilà où sans doute on va s'arrêter. Je vais quand même vous signaler qu'il n'y a pas eu que les interprètes de la série télévisée. On a vu qu'il y a eu Peter Cushing, en dehors de ce qu'on appelle le canon, c'est-à-dire les épisodes sur lesquels tout le monde est à peu près d'accord. Cushing campe dans les deux films un docteur qui est en fait terrien, c'est une sorte de docteur de professeur Tournesol, ou de Champignac, de Savocosinus, pour remonter bien loin, qui a construit le TARDIS dans son jardin, voilà, et qui s'en va explorer l'espace et le temps. Par contre, plus intéressant, on devra s'arrêter à ce niveau-là. Il y a eu, pendant l'interrègne entre l'ancienne et la nouvelle série, une version parodique du Docteur qui s'intitule « The Curse of the Fatal Death ». En fait, « Doctor Who » et « And the Curse of the Fatal Death ». Alors, « Fatal Death », c'est un petit peu pléonastique, je vous l'accorde, parce que la mort, c'est souvent fatal, hein, bien entendu. Mais c'est une parodie. Et qui trouve-t-on dans la parodie? Rowan Atkinson, mais également Hugh Grant. Et la dernière, Joanna Lumley, qu'on a vu dans Chapeau melon et bottes de cuir, et qui, à ce jour, est la seule incarnation féminine du docteur. Le dernier, on va le voir rapidement, je laisse tomber mon texte, c'est John Hurt. Quand ils se sont rendus compte, les scénaristes, qu'ils avaient un tout petit problème pour expliquer la guerre du temps et que Il fallait revenir un petit peu en arrière, mais expliquer aussi pourquoi les incarnations nouvelles, celles d'Ecclestone, celles de Tennant, celles de Matt Smith, n'ont pas de souvenir de la guerre du temps, ou plus exactement, croient avoir détruit la planète. Ils ont introduit ce personnage qui n'intervient que dans un épisode complet et un mini-épisode, et qui, lorsque le personnage joué par Paul McGann dans le téléfilm de 96 en est à sa dernière extrémité, il va se régénérer tout au début de la guerre du temps contre les Daleks. Il demande à être régénéré en guerrier. Le guerrier, ce sera lui. Il fera tant de choses qu'il emportera le poids pendant une longue existence, et que quand il se régénère à la fin pour devenir le docteur incarné par Christopher Ecclestone, les scénaristes nous expliquent que la guerre du temps elle-même a tellement chamboulé les trames temporelles des différents docteurs que les suivants ne vont plus se souvenir exactement de ce qui s'est passé. Voilà. Comme je le dis, les mystères demeurent. Ça, c'est du galifréen, et théoriquement, c'est le nom du docteur en galifréen. Le vrai, le nom secret, celui que personne ne peut connaître, et qui est un des enjeux de la fin des dernières saisons, où tout un complot se met en route pour essayer de connaître le nom du docteur, jusqu'à l'attirer sur les plaines de Trenzalore, où le TARDIS, qui est également à la fin de sa vie. Je n'aurai pas le temps de vous expliquer que le TARDIS est à la fois une machine et un être, un petit peu biologique et en tout cas pensant, conscient, où il a choisi de finir sa vie et où le docteur le retrouve quand même parce qu'il faut que la série continue. Et donc, astuce suprême, au moment où Gallifrey est renvoyé dans sa stase temporelle, les seigneurs du temps, ils sont quand même gentils. Donne au docteur une nouvelle. Voilà, de nouvelles possibilités, d'où sans doute à nouveau de régénération. Je vous remercie.